SNK Music Productions. Je cours après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Ils sont mon casse-pied, fait la trace blanche. Je vais venir faire les fous après. Après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Ils sont mon casse, niffer la trace blanche. Je vais venir faire les fous après. Pas cramé comme un schmitt. Siège bébé dans le monospace. Foute ma liasse dans le bolospace. Couteau chauffé comme les flammes. Aucune aide, aucun coup de pouce, aucun frère. Dans le tunnel, j'suis tombé en panne. Mais au bout, j'ai vu la lumière. Dans le tunnel, j'suis tombé en panne. Au bout, j'ai vu la lumière. Donc j'y suis allé à pied avec ma bite, mon couteau, mes pierres. Détermination, discipline, travail. Comme dirait Alpha, à l'école j'étais dans le fond. Ben, dans tous les hashtags et j'irai claquer le bifton chez concessionnaire en Allemagne. Parti pour être rico, si j'suis pauvre, j'suis à Hattai. Moula, j'suis de crémeux, quand j'le pète et puis la beuh. Nique la mer au collabo, j'suis avec Zé, j'suis vers la breuh. Motivé, équipé, pourquoi devrais-je m'inquiéter? La guerre ça coûte un bras au fric, j'espère que t'as des sous de côté. Tout donné, charbonné, ouais mon pote on a rien volé. Fuck le but, j'ai opté pour un Audi, rue de Rivoli. Désolé, une fois j'suis mal, j'éteins le pénable. J'suis sur la lune, 600 000 E ou la GA. Mais si ça foire, on ressort plus. Pas confiance, j'l'ai donné, on me l'a rendu abîmé. Et si t'es agité, monte dans le 4x4. J'ai de la place pour trottiner, du gasoil pour tartiner. Rafale de balles réelles, Anne des Co, faut s'abriter. Des cannes débridées, vive la célébrité. T'es comme disent les frères de la casse, tais-toi, tiens fatigué. Sont mes meilleurs amis. Parce qu'on est, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Mes ennemis sont mes meilleurs amis. Parce qu'on est, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Sont mes meilleurs amis. Parce qu'on est, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Mes ennemis sont mes meilleurs amis. Parce qu'on est, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi.